Dites-moi, quel est le prénom de la mère de votre héros, le petit Félix, Éric Emmanuel Schmitt? Fatou. Fatou. Eh bien, ceux des auditeurs d'RTL qui nous ont appelés au 3210 pour nous donner cette réponse gagnent donc Félix et la source invisible qui paraît aux éditions Albin Michel. Dédicacé. Et il sera dédicacé de votre main. Merci d'être venu passer cette matinée avec nous. Merci à vous. On était heureux de vous accueillir. Merci à toute l'équipe de laisser vous tenter. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Merci beaucoup les infos. Voici les missions lancées par les auditeurs d'RTL au 9h30, 11h. Nous démarrons avec Marianne. Je vous appelle du Tarn. Je suis coiffeuse à mon compte et je suis sans ressources depuis le mois d'août. J'ai été hospitalisée et mon assurance professionnelle ne m'a toujours pas indemnisée. À chaque fois, on me demande des documents que j'ai déjà envoyés. Il y aura également Delphine qui nous a appelé. Mon ancienne banque retient en otage mon argent depuis un an. Il y en a pour près de 7000 euros. Au lieu d'être transféré dans ma nouvelle banque, mon plan d'épargne logement est en effet toujours sur un compte courant dont je n'ai plus accès. Mais aussi d'autres cas inédits et retour sur des cas qui bloquent depuis des semaines. Pour régler ces problèmes, Maître Fellono, votre avocate est là. Bonjour à tous. Bernard Sabat négocie. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Il y a JB, il y a Céline, il y a Charlotte. Une émission réalisée par Xavier Kassovitch. C'est le 9h30, 11h. La première émission de France qui règle vos problèmes avec le sourire obligatoire. Pour nous aider, pour nous donner des tuyaux, pour nous aider à enquêter, pour passer dans l'émission, c'est le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou, si vous choisissez une gratuité totale, Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. Nous allons maintenant accueillir Marianne sur l'antenne d'RTL. Marianne, bonjour. Bonjour. Allez Marianne, les auditeurs d'RTL veulent savoir pourquoi vous nous avez appelé ce matin, on vous écoute. Alors, je vous appelais parce que j'ai rompu la poche des os à 6 mois de grossesse. Et du coup, j'ai été hospitalisée dans un CHU à Purpan, à Toulouse. Et donc, dans l'impossibilité de travailler. Donc, j'ai contacté ma banquière, puisqu'on passe par la banque, c'est le même groupe, ma banque professionnelle, puisque je suis à mon compte, pour déclencher ce à quoi j'ai droit. Donc, ça fait depuis le mois d'août que rien n'est... je ne suis au courant de rien. Alors, Marianne, juste une question, pour que les auditeurs comprennent bien. À quoi pensez-vous avoir le droit, puisque tout d'un coup, vous êtes donc à votre compte, coiffeuse, vous avez eu ce petit souci, et vous ne pouvez plus travailler. Qu'est-ce que prévoyait votre contrat? Donc, j'ai une perte d'activité, une perte salariale auquel j'ai droit. D'accord. Maître Fellono, vous confirmez, vous avez vu les papiers? J'aimerais bien confirmer dans le détail, mais justement, Marianne, elle est totalement symptomatique de l'état dans lequel nous sommes lorsque nous contractons des contrats d'assurance qui sont anciens, puisque là ça fait 13 ans je crois qu'elle a signé ce contrat, qui plus est avec non pas une compagnie d'assurance, un courtier ou un agent, mais sa banquière, laquelle malgré toute sa bonne volonté ne peut pas apporter d'explication à Marianne parce qu'elle ignore tout de ce contrat d'assurance. Donc j'ai en tout et pour tout pour travailler sur ce contrat une attestation d'assurance qui dit effectivement vous avez un contrat multirisque pro. Alors, on pense effectivement qu'il y a la perte d'exploitation, c'est-à-dire que ça lui permet de payer ses charges professionnelles. J'ouvre une parenthèse. Vous n'avez pas eu le détail, Marianne, c'est très important, de ce contrat multirisque pro? Non. Rien. Non. Alors, ce qui est drôle, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai beau regarder tous les antécédents de papier, j'ai tous les antécédents sur la perte, si par exemple mon salon vient à brûler, etc. Mais par contre, tout ce qui est perte de revenus, je n'ai qu'un simple papier qui est régulièrement... on fait le point où on me dit ce à quoi j'ai droit. Mais alors, si ça se trouve, vous n'êtes même pas assurée pour ça. Si, je suis assurée, puisque j'ai le papier qui dit ce à quoi j'ai droit régulièrement. Mais d'accord. C'est pas le contrat. Comme si j'avais réquisitionné le contrat. Mais ce qui est dingue, c'est que quand on appelle son assurance, en l'occurrence la Natixis, soit on lui dit « Madame, vous n'êtes pas assurée, vous avez mal lu votre contrat, vous n'avez rien compris, donc vous n'aurez rien. » Soit on lui dit « Madame, vous avez le droit et on paie, mais on ne fait pas rien. » C'est complètement idiot. Alors là, on se contente de lui demander des pièces et des pièces parce qu'elle doit justifier son incapacité totale temporaire de travail de façon à pouvoir l'indemniser parce que outre sa société... on lui a demandé des pièces. C'est comme ça qu'on est sûr, Julien, quand même, qu'il y a un interlocuteur valable en face. Le problème, c'est que non seulement sa société a le droit à être prise en charge, parce que vous savez qu'on paye des charges sociales, qu'on paye un loyer, qu'on paye tout ça, et elle aussi, pour des pertes de revenus, ça a l'air de résulter de l'intitulé

sonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Try to have a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da da da da da da da da da. Queen avec Don't Stop Me Now sur RTL. Vous le traduiriez comment, Charlotte? Bah, ne m'arrête pas. Eh bien, déjà commencé, avant que je vous arrêterai le moment après, parce que vous n'avez toujours rien commencé, je vous le rappelle. Et ça commence à être long maintenant. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Et dans le 9h30-11h sur RTL, Charlotte, nous essayons d'aider Marianne qui commence à être au bout du rouleau. Elle est coiffeuse à son compte et elle n'a plus d'argent depuis qu'elle est en arrêt maladie. Son assurance professionnelle était censée l'indemniser à partir du mois d'août, mais elle n'a toujours rien. Elle a une assurance multipro, on lui a demandé des papiers, tout va bien, elle les envoie et elle n'a rien. Comment fait-on pour vivre dans ces cas-là? Pourrait-on une fois dans la vie pouvoir payer les cotisations avec autant de retard? Ce serait fantastique. Nous appelons, c'est parti, maintenant pour aider Marianne. Nous appelons Natixis Assurance qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq et qui fait partie donc du groupe Natixis, la Banque Populaire. Bonjour. Oui, bonjour Natixis. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes sur RTL où j'essaie d'aider Marianne qui a eu donc un souci de santé. Elle est assurée chez vous, elle est professionnelle, donc normalement elle doit être indemnisée puisqu'elle a une perte d'activité. Elle a envoyé des papiers que vous lui avez demandé et donc depuis août, elle attend. Je peux vous demander des numéros de référence, des numéros d'assurés ou son numéro de contrat fructiprofessionnel. Très bien, monsieur. Là, vous êtes au standard général de la société Natixis mise en mer. Là, je vais vous mettre en relation avec le service client qui gère votre demande, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Oui, je vous en prie, monsieur. Excellente journée à vous. Excellente revoir, journée monsieur. À vous aussi. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Donc, Marianne, nous allons avoir quelqu'un. Je ne connaissais pas ce contrat fructiprofessionnel. Oh. C'est quoi? C'est pour les travailleurs indépendants. Ah, d'accord. Fructi. Bienvenue chez BPCE Vie. BPCE prévoyant. Dès que vous avez quelqu'un, ma petite Céline, vous faites une petite alerte que voici. Et nous prendrons la négociation à l'antenne. Et je le dis à tout le monde, dès que vous avez quelqu'un, vous les basculez sur l'antenne, que nos auditeurs puissent entendre tout ce qui se dit dans cette négociation. Le cas numéro 2 va démarrer en parallèle dans une seconde, Charlotte. Delphine a changé de banque il y a plus d'un an. Pourtant, 7000 euros restent bloqués dans son ancienne banque. Et le comble, c'est que cette banque lui prélève toujours des frais de gestion. Ben, alors, dites donc, c'est une spéciale banque ce matin. Je m'en aperçois maintenant. Vous voyez comme quoi je m'intéresse un peu à l'émission. Mais là, écoutons maintenant ce petit chef-d'œuvre. Amir avec Longtemps sur RTL. Bonne année. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Amis, longtemps sur RTL. Nous avons donc lancé deux cas, on va dire un et demi. Il y a tout d'abord sur RTL ce matin, puisque c'est un petit peu une spéciale banque que nous vous proposons. Et nous vous invitons, quel que soit votre problème avec votre banque, à nous appeler au 3210, à faire le Facebook, la page « Ça peut vous arriver » ou aller sur la rubrique « Ça peut vous arriver » sur RTL.fr. Nous avons démarré avec le cas de Marianne. Qui est coiffeuse à son compte et qui n'a plus d'argent depuis qu'elle a dû arrêter de travailler. Son assurance professionnelle aurait dû prendre le relais à partir du mois d'août, mais elle n'a toujours rien. Alors Marianne, le dernier contact que vous avez eu avec eux, ils vous ont dit « Envoyez-nous tel et tel papier », vous les avez envoyés, mais qu'est-ce que vous avez eu comme dernier contact avec eux ? J'ai la banquière régulièrement, qui elle-même désespère, hein, parce qu'elle me dit « C'est pas normal ». Elle m'a dit « Je vous avoue que j'ai des clients pour qui en un mois et demi, c'est réglé ». Donc elle leur a envoyé un dernier mail encore en posant des questions bien précises et auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Alors Natixis est une filiale du groupe BPCE, donc vous, votre compte en banque, vous l'avez à la Banque Populaire, c'est ça ? Oui, Qui vous propose de prendre de l'assurance chez Natixis ? C'est ça, depuis 13 ans, j'ai jamais changé de banque ni d'assurance, j'ai toujours été à régler mes cotisations. C'était pas un reproche, c'est pour qu'on comprenne bien quand on rentre. Oui. Alors, où en est-on du côté de Natixis ? Eh bien, j'attends que quelqu'un me réponde. Donc, nous allons faire un deuxième numéro, nous allons appeler la conseillère Banque Populaire pour voir si elle peut elle-même avoir un lien direct avec la filiale d'assurance, puisque maintenant vous savez que les assurances font de la banque et les banques font de l'assurance. On y va pour le numéro de la banque ? Oui, ça sonne. C'est parti, on va essayer d'avoir cette dame qui est très gentille apparemment et qui, la pauvre, ne sait plus quoi dire à sa cliente. Le problème, c'est qu'après, les employés bancaires, ils se retrouvent avec le bâton, je ne dirais pas le nom du mot, parce que c'est eux qui ont placé l'assurance. Exactement, puis c'est le seul interlocuteur vivant. Allez-y, en face de son récupère. Oui, allez-y, maintenant fais le nom. Oui, donc moi je déplore un peu ce genre de service, parce que c'est vrai que le seul interlocuteur véritable et physique que l'on ait est finalement quelqu'un qui n'a pas les compétences pour vous répondre. Alors on adore qu'elle soit, on comprend qu'elle soit désespérée, c'est très bien. Mais ce serait mieux si effectivement il y avait maintenant une indemnisation. Et au moins pourra-t-on lui demander quelle est l'indemnisation à laquelle Marianne peut prétendre, parce que Marianne est incapable de me donner le moindre renseignement à ce sujet. Allez, nous allons espérer que la Banque Populaire pourra nous aider, peut-être s'il le faut, en chanson. Ça s'en va et ça revient, on ne te rembourse rien. Toi tu payes les cotisations et tu attends qu'on te paye comme une chanson populaire. Alors attention, oui. Je suis un petit peu déçue. Le problème, c'est qu'on me raccroche au nez, en fait. J'ai fait plusieurs numéros et à chaque fois, ça raccroche. Pardon ? Oui, je vous assure qu'on me raccroche au nez, Julien. Vous êtes en train de me dire qu'on vous a raccroché au nez ? Tout à fait, deux fois de suite. À la Banque Populaire ? À la Banque Populaire ? Mais oui, en fait, je n'ai personne au bout du fil. Non, pas la Banque Populaire, à Natixis Assurance. Ah, voilà, parce que la Banque Populaire, ce sont des gens, ils ne sont pas populaires pour rien, vous savez. Ce sont des gens qui répondent et avec qui nous avons d'excellents rapports. Natixis aussi, d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, alors Natixis, on va passer au service de la direction médicale, je pense. Vous me trouvez un interlocuteur, Bernard, et chez Natixis et à la Banque Populaire. Et pendant ce temps-là, nous allons attaquer le cas numéro 2. C'est Delphine qui est en ligne avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous nous appelez d'où Delphine ? De Dijon. Eh bien, Delphine de Dijon, vous allez nous expliquer dans quelques instants que votre banque retient en otage 7000 euros. Alors certes, elle leur donne un peu à manger et à boire, mais ils voudraient bien retrouver leur maman Delphine, ces 7000 euros. Et pour savoir ce qui s'est passé, c'est dans une seconde sur l'antenne de la radio RTL. Bonne année 2019 à l'écoute d'RTL. Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs ? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pods Original Ariel est à seulement 12,29€, avec en plus 70% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous avons toujours deux cas en attente. Le premier, Charlotte, c'est Marianne. Elle a dû cesser provisoirement son activité suite à un problème de santé. Elle a une assurance pour combler cette absence de revenus, mais pourtant, elle ne touche rien depuis août. Marianne a son compte en banque à la Banque Populaire qui lui a vendu une assurance dans sa filiale Natixis. Quand on appelle Natixis, problème technique, je pense pas que ça soit la personne, ça raccroche automatiquement et on essaie d'avoir la Banque Populaire. C'est ça, Céline ? Exactement, on est en attente. Et nous avons le deuxième cas, celui de Delphine. Son ancienne banque retient en otage 7000 euros qui lui appartiennent. Impossible pour elle d'avoir une explication à ce sujet. Et vous aimeriez bien savoir ce qui se passe dans ce dossier. C'est pour ça que Delphine vous l'explique maintenant sur RTL. Delphine, c'est à vous. Alors, j'ai demandé le transfert de mes comptes de mon ancienne banque vers une nouvelle banque. Tout ce qui était compte courant, prélèvement, tout ça a été transféré et mon PEL a été clôturé au lieu d'être transféré. Et l'argent du PEL a été transféré sur mon compte chèque de mon ancienne banque qui, lui, aurait dû être clôturé. Alors, j'essaie de comprendre parce que là, vous allez très vite, parce que c'est normal, Delphine, vous avez la fiche sous les yeux, donc vous nous lisez tout ça, mais là, ça va très très vite. Simplement, laissez-moi le temps de demander à Maître Fellonneau. Donc, elle est dans une ancienne banque, ouais. Elle passe à une nouvelle banque, donc il doit y avoir des transferts, et qu'est-ce qui bloque ? Alors, ce qui bloque, c'est que ces instructions écrites n'ont pas été respectées concernant son plan d'épargne logement, qui, au lieu d'être transféré, Julien, a été clôturé. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quelque part, elle a eu du mal à les retrouver. Elle sait maintenant où est l'argent qui était sur son PEL. Le problème, c'est que les conditions du contrat qui lui permettaient d'avoir 3,5% d'intérêt par an, ben maintenant, elles sont de 1,1% dans le nouveau contrat qu'elle a souscrit. Donc, elle a perdu les avantages liés à ce PEL. Or, il devait... C'était écrit et ils devaient le transmettre. Ils l'ont clôturé, ils ont commis une faute. Alors, clôturé, ça veut dire qu'il est où l'argent ? Eh bien, alors, l'argent, ils l'ont... Alors, pour le garder à disposition de leur cliente, sans lui dire quoi que ce soit d'ailleurs, parce qu'elle a eu du mal à le retrouver, cet argent. Ils l'ont pris et ils lui ont mis sur son compte courant, qui était censé être clôturé au 10 septembre de l'année dernière, hein, parce que ce cinéma, ça dure depuis un an. Mais alors, ils sont où, ces 6 000 euros ? Alors, ils sont sur un compte en banque, dans son ancienne banque, qui est dans son ancien compte qu'elle pensait clôturer puisqu'elle avait donné une instruction écrite où justement tous les virements, tout ce qui concernait la vie de ce compte a bien été transféré. Et voilà, maintenant on lui dit ben récupérez votre argent, puis après de quoi vous plaignez ? Ben je me plains que j'ai perdu les conditions contractuelles, donc je veux le contrat. Alors on rappelle en plus, alors voilà les banques en question, elle était chez LCL, elle a décidé de quitter LCL pour aller au Crédit Agricole qui, figurez-vous, a racheté... Oui, c'est le Calion maintenant, on appelle LCL. Ça. LCL. Donc, en fait, tout ça, c'est la même banque. Bon, c'est le même groupe. Vous me dites que maintenant, de toute façon, elle a vraiment tous les droits pour elle, Delphine, parce qu'elle avait écrit ses instructions. Bien entendu. Et il y a une confusion, apparemment, entre son dossier à elle et le dossier de son époux, puisque, visiblement, ils ont appliqué les instructions de son mari également à son dossier, alors qu'elle avait pris des décisions différentes. Dans quelques instants, nous allons donc appeler cette banque. Nous allons appeler LCL. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Delphine, le dernier dialogue que vous avez eu avec eux ? Alors, le dernier dialogue que j'ai eu, ils m'ont dit qu'il manquait un papier de mon premier transfert, parce que ça fait deux fois que je transfère mon PEL. Et il me parle de la Banque Populaire, banque que je n'ai jamais été. Que soi-disant, la Banque Populaire n'a pas transmis le papier. Quel est le rapport avec la Banque Populaire ? Aucun. Bah, décidément, elle est partout ce matin, la Banque Populaire. Mais c'est formidable, la Banque Populaire. Bah, on y retourne alors. Ça s'en va, oui, ça revient. Oui, c'est fait le tout petit rien. Même si t'as pas de compte chez eux, y a des problèmes, je ne comprends pas ces chansons populaires. Alors là, y a rien à voir dans cette histoire, elle ressort quand même. Exactement, c'est allez, miraculeux. On va enchaîner si vous le voulez bien, Maître Fellono. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour appeler LCL. Mais avant, écoutons Jean-Jacques Goldman. On n'écoute jamais assez de Jean-Jacques Goldman et j'aimerais qu'en 2019, on écoute plus de Jean-Jacques Goldman. Voici C'est ta chance. Bonne année Jean-Jacques, où que tu sois. Sois douce et solitaire aussi. Il te faudra gagner pouce à pouce les oublis de la vie. Tu seras jamais là. À perdre, à encaisser tout ce que le sort ne t'a pas donné. Tu le prendras toi-même. Rien ne sera jamais facile. Il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne. Et toi seul en sauras le prix. Jean-Jacques Goldman, c'est ta chance. Appel pour la banque LCL. Pourquoi n'a-t-elle pas respecté les volontés de la cliente? Où sont passés les 6 000 euros? C'est tout l'enjeu du coup de fil que nous donnons juste après ceci sur RTL. Bonne journée. Intermarché vous propose d'écouter des milliers de cadeaux. Tu veux quoi pour ton anniversaire, mon chéri? Un ticket de caisse. Oh, mais t'exagères, t'as déjà eu un pour Noël. Cette année, votre ticket de caisse peut vous faire gagner des milliers de cadeaux. Pour jouer, téléchargez l'appli Intermarché 50 ans. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Modalité complète des jeux sur intermarché.com et à l'accueil des magasins participants. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Je vous embarque en Patagonie pour un nouveau jeu d'aventure, The Bridge. Sur une île, un trésor de 150 000 euros. Pour l'atteindre, 16 candidats devront construire un pont et relever des épreuves spectaculaires. Solidarité, aventure et stratégie, des défis hors du commun attendent nos chercheurs d'or. The Bridge, présenté par Stéphane Rothenberg, ce soir à 21h sur M6. Vous avez choisi la radio numéro 1 RTL, celle qui aide ses auditeurs en exclusivité chaque matin entre 9h30 et 11h. Il est 10h. Les infos avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Éric Drouet, toujours en garde à vue, figure médiatique et controversée des Gilets jaunes. Il a été de nouveau interpellé hier soir près des Champs-Élysées à Paris pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Un petit peu plus tôt sur les réseaux sociaux, Éric Drouet avait appelé à mener une action pour choquer l'opinion publique. Le chauffeur routier de Seine-et-Marne avait déjà été arrêté il y a 2 semaines pour port d'armes prohibées. Invité de RTL ce matin, le porte-parole des Gilets jaunes libres, Benjamin Cauchy, accuse le gouvernement et l'Élysée de réprimer et de bafouer la parole du peuple. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, qui s'était dit fasciné par Éric Drouet, a dénoncé un abus de pouvoir et une police politique. Depuis le début des manifestations de Gilets jaunes, des milliers de personnes ont été arrêtées. De nombreux casseurs ont été envoyés derrière les barreaux. 219 personnes liées aux violences ont été incarcérées entre le 17 novembre et le 17 décembre, selon les chiffres du ministère de la Justice dévoilés par RTL. Un chiffre inédit dans le cadre d'un mouvement social. Certains ont déjà été condamnés à plusieurs mois de prison ferme, d'autres attendent encore leur procès. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas affaibli le programme de réforme d'Emmanuel Macron. Bruno Le Maire en est convaincu, il l'a dit ce matin. Le ministre des Finances prévient que le quinquennat va rentrer dans le dur cette année avec les réformes des retraites, des indemnisations chômage et de la dépense publique. L'Élysée va perdre son monsieur communication, le directeur du service presse d'Emmanuel Macron. Sylvain Faure va quitter ses fonctions d'ici la fin du mois pour des raisons d'abord personnelles. Très proche du chef de l'État, Sylvain Faure l'avait rejoint dans sa campagne dès la fin de l'été 2016. La Bourse de Paris élargit ses pertes pour sa deuxième séance de 2019. Ouverture en nette baisse ce matin. Le CAC 40 continue d'osciller autour des 4647 points, en baisse de 0,89%. Ryanair toujours plus haut malgré la crise sociale. La compagnie aérienne à bas coût annonce avoir transporté 139 millions de passagers l'an dernier. Nouveau record, plus 8% par rapport à 2017, avec des avions pleins à 96% en moyenne sur l'année. Le tout malgré une année chahutée avec de nombreuses annulations de vols, révélateur d'un profond malaise social au sein de l'entreprise irlandaise qui a finalement dû s'engager à reconnaître des syndicats. Autre record en 2018, le Louvre a dépassé la barre des 10 millions de visiteurs, chiffre inégalé pour un musée international de beaux-arts et d'antiquités, confortant ainsi son statut de musée le plus visité au monde. Et puis du jamais vu encore ce matin, la Chine a annoncé avoir réussi tout à l'heure le premier alunissage sur la face cachée de l'astre de nuit. Les missions d'exploration précédentes s'étaient toujours posées sur la face visible de la Lune, plus plane donc plus facile d'accès. La météo cet après-midi, toujours quelques nuages sur la moitié nord, mais les éclaircies vont progressivement gagner du terrain au fil de la journée. Au sud, sur le sud-ouest, le soleil va s'imposer en dessous d'une ligne La Rochelle-Limoges après dissipation des brouillards. Beau temps en allant vers la Méditerranée, mais le Mistral et la Tramontane soufflent encore entre 50 et 80 km/h. Les températures pour cet après-midi, 2 degrés à Strasbourg, 4 à Reims et à Dijon, 5 à La Rochelle, 6 degrés à Paris, 7 à Abbeville, 9 à Bastia et le maximum 14 pour Perpignan. Les courses, c'est à Vincennes cet après-midi. Voici les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 3, le 6, le 5, le 9, le 13, le 4, le 8, l'As. Et la dernière minute, c'est le numéro 9, Super Nice. Il est 10h03 sur RTL. On retrouve Julien Courbet. Merci. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Le point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a commencé avec Marianne, notre coiffeuse. La pauvre, elle est sans ressources depuis le mois d'août. Son assurance ne l'a toujours pas indemnisée alors qu'elle est couverte pour ce problème. Et nous essayons d'avoir un interlocuteur, alors notamment soit chez Natixis Assurance qui doit payer, soit chez Banque Populaire. Qui a vendu l'assurance à Natixis, où en êtes-vous Bernard ? Plus de 30 minutes d'attente, Julien, je n'arrive pas à jouer. rejoindre la relation client, c'est insupportable. J'ai une très belle musique avec Banque Populaire que vous aimez beaucoup de Stevie Wonder, mais pour l'instant ça n'avance pas. Avec Banque Populaire que vous aimez de Stevie Wonder. Bah, la musique de Stevie Wonder avec le, vous savez, le l'indicatif. Vous voulez que je vous fasse écouter ou pas? Oui, s'il vous plaît. Bougez pas, je vais. Parce que si Stevie Wonder s'est mis à chanter Banque Populaire, bah oui, c'est sa chanson. C'est I'm Free. Ah, c'est celle-là. I'm Free. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, j'avais oublié. Alors on va écouter quand même parce que je vais. 28 minutes pour être précis. Bah vous êtes libre. Quand même. Vous êtes libre d'attendre ou de raccrocher. Non, je reste, monsieur. Et le cas numéro 2, on ne lâche rien, ne vous inquiétez pas, on aura dans quelques instants la Banque Populaire. Le cas numéro 2, c'est celui de Delphine. Le compte courant qu'elle possédait dans son ancienne banque n'est toujours pas clôturé. 7000 euros de son PEL y ont été déposés et dorment sur ce compte. Elle ne parvient pas à les récupérer. Il va falloir appeler LCL parce que ce n'est pas normal, vous nous l'avez dit, Maître Fellonneau. Qu'est-ce qui n'est pas normal dans ce dossier? Ce qui n'est pas normal, c'est que ces instructions n'aient pas été respectées à la lettre. Pourtant, elles sont écrites, il n'y a aucun doute et aucune source de confusion possible. Oh, vous êtes un peu comme LCL. Ouais. LCL, c'est un mot qu'on croyait inventé pour les 6 000 euros qui se sont fait la belle. Rendez-moi mon pognon, je vais tout casser. Eh oui, Garou chantait ça aussi. Oui. Alors, mon imitation de Garou, ceci étant dit, était assez approximative. Mais j'ai quelque chose à dire. Ah, mais alors vous pourrez nous le dire dans quelques instants, car vous venez de l'entendre à l'instant, une alerte de. Que va-t-il se passer dans le relation client pour le premier cas, Julien. Commencez, on arrive tout de suite. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. J'étais peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, inventeur. Mais je n'oubliais pas d'être coquet, j'adorais les vêtements roses et les bijoux. Je suis mort il y a 500 ans, mais j'inspire toujours autant. Je suis. Léonard de Vinci, évidemment, on vous donne rendez-vous pour découvrir son destin tout à l'heure à 14h sur RTL. Je suis une agricultrice qui ne veut plus avoir besoin des aides pour vivre. Je veux vivre de ce que je produis avec des prix qui couvrent mes coûts de production et qui me donnent un revenu décent. Voilà pourquoi, à la Coordination Rurale, on défend des prix rémunérateurs. Retrouvez les 30 convictions de la Coordination Rurale sur coordinationrurale.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. C'est toujours le cas numéro 1, s'il vous plaît, Charlotte. Marianne est coiffeuse, elle est sans ressources depuis son arrêt maladie. Son assurance ne l'a toujours pas indemnisée. Qui avons-nous en ligne, s'il vous plaît, Bernard Sabat? Service client, justement. De chez quoi, Natixis? De Natixis ou Banque Populaire, parce que ça s'est rapproché. Donc je pense que c'est la Banque Populaire, Julien, je veux dire. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la Banque Populaire? Oui. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je vous explique le but de mon appel. Marianne Allofabre, qui a un compte chez vous, a souscrit également une assurance grâce à vous chez Natixis. Et son activité, parce qu'elle a eu un souci de santé, a été interrompue. Et elle est assurée pour ça, elle a une assurance fructiprofessionnelle qu'elle n'arrive pas à activer depuis le 19 août. Et maintenant, elle n'a plus de ressources. Comment peut-on aider la cliente de la Banque Populaire, s'il vous plaît, madame? Attendez, monsieur, n'inquiétez pas. Je vous en prie, madame. Allez, Bernard, vous récupérez. Elle va voir sûrement le chef de service qui va peut-être avancer. Alors, c'est vrai que la Banque Populaire, elle est là pour vendre l'assurance. Elle va nous dire, il faut voir ça avec Natixis. Et du côté de Natixis, Céline? Eh bien, pour l'instant, on était sans nouvelles. Je peux essayer de retenter, si Il faut non-stop, parce que là, c'est juste pas possible que Natixis ne puisse pas répondre. Alors, il n'y avait pas un centre. J'ai vu un centre d'expertise et de relations clients. Ça va pas beaucoup nous aider, ça, si? Julien, c'est ce numéro que je viens de faire, là. Que vous avez là, à l'instant, c'est ce numéro-là. Mais c'est pas la Banque Populaire, alors. Mais ça retombe sur la Banque Populaire avec l'indicatif, Julien. D'accord. Voilà. Les services sont regroupés. Vous savez, c'est les plateformes commerciales, services clients. Je pense qu'il faut passer la vitesse au-dessus. Donc, essayez, JB, Charlotte, Céline, Bernard, d'avoir peut-être le grand patron de Natixis qui pourra peut-être nous aider. Il s'agit, je crois, de monsieur Laurent Mignon. Ça, c'est nul. Coupez ça tout de suite. Je ne sais pas qui a eu cette initiative, mais il ne doit pas être fier de lui. Que se passe-t-il, Céline? Nous sommes avec le siège de Natixis. Ah, parfait. Allô, le siège de Natixis? Alors oui, vous êtes au Standard Général actuellement. Bonjour monsieur du Standard Général, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Pourriez-vous me passer un interlocuteur qui pourrait m'aider concernant une auditrice qui est cliente de chez Natixis, qui a une assurance professionnelle? Or, son activité vient de cesser parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Elle a envoyé tous les papiers, elle n'arrive pas à toucher ce qu'on lui doit et là, elle galère un peu. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Très bien. Un instant, je vous prie, je vous fais patienter. Je fais une courte recherche. Merci beaucoup, monsieur. Super. Bon, vous avez entendu, Marianne? Oui, super. On a appelé tout le monde. Il ne reste plus que le pape et après, on ne pourra pas aller plus loin. De votre côté, Bernard Sabat, qui avez-vous? Le service client, Julien. J'ai un monsieur charmant. Vous pouvez lui poser les questions que vous souhaitez. Allô? Justement, de service client de la Banque Populaire. Service client? Allô, oui? Oui, je suis à Natixis ou à la Banque Populaire, monsieur? Alors, vous êtes à Natixis. Nous sommes l'assureur de la Banque Populaire. C'est génial. C'est à vous que je voulais parler. Monsieur, j'ai en ligne Marianne Allofabre, auditrice RTL, cliente de Natixis. J'ai les numéros de référence, j'ai tout ce que vous voulez. Qui a un contrat fructiprofessionnel. La pauvre a eu des petits soucis lors d'une grossesse à 6 mois, a dû arrêter de travailler car elle est coiffeuse à son compte. Et elle n'arrive pas à toucher ce qu'elle a le droit de toucher. Donc maintenant, elle a vraiment un problème de revenus. Comment puis-je avancer dans ce dossier ? Je peux vous donner tous les numéros. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le numéro de client assurance si vous avez. J'ai un numéro de contrat fructiprofessionnel. Est-ce que ça vous va ? Oui, je vais prendre celui-ci. 124 01 42 98. Donc, oui, madame Allofabre Marianne. Voilà. Allons voir. Donc, apparemment, depuis le 19 août dernier, elle a été hospitalisée. Vous allez voir que vous avez reçu le dossier le 28 août. Alors, je prends connaissance du dossier. Je vous laisse quelques minutes pour le regarder, monsieur. Oui, si vous avez un instant, avec j'ouvre plaisir. Le dossier. Je vois qu'il y a bien un dossier en cours. Bon, alors, comme je vais ça, patienter juste un instant. J'ai été un coup d'œil, Bernard, vous récupérez. Allez, Marianne, pour l'instant, ça va. De tous les côtés, on a des interlocuteurs. J'espère qu'on va pouvoir débloquer. Où en êtes-vous, Céline ? Alors, avec le siège, on devait me passer quelqu'un. Malheureusement, la personne est occupée, ça va raccrocher maintenant. Bon, écoutez, là, pour l'instant, accrochons-nous à ce service client. Marche. Et puis, on verra si on rappelle le siège de Natixis. C'est bien, nous allons attaquer après ces deux premiers cas. Alors oui, revenons quand même sur le cas de Delphine. Depuis un an, elle ne parvient pas à récupérer 7000 euros restés sur un compte dans son ancienne banque et figurez-vous que cette banque continue de lui prélever des frais de gestion. Si je me rappelle bien, on n'a toujours pas appelé nos amis de LCL. Pas encore. Eh bien, ça sera fait juste après ceci. On prépare. Vous avez quelque chose à nous dire ? Oui, avant d'appeler LCL, je voudrais quand même que vous sachiez la chose suivante. C'est que la demande a été faite en septembre, fin septembre, et que notre amie ne voyait rien venir dans sa nouvelle banque. Alors, elle s'en est inquiétée et puis elle a été rassurée parce qu'en novembre, elle voit que le LCL lui prélève des frais de transmission, de commission de transfert de compte. Donc elle se dit « Super, c'est très bien, tout va aller, j'attends les fonds. » Et les fonds, elle ne les a jamais vus venir, évidemment, puisqu'ils sont restés au LCL, qui lui dit « Oh ben, écoutez, nous on a clôturé comme vous nous avez demandé. » Or, ce n'est pas vrai, j'ai le papier qui demande un transfert. D'ailleurs, préparez-vous à nous lire le papier qu'a envoyé la cliente à LCL, au cas où LCL nous dit « Elle ne nous a pas dit ça ». A tout de suite sur l'antenne d'RTL, après avoir écouté ce tube. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Sur novembre, et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. We'll be fine. est en duo avec Julien Doré, avec Midi sur Novembre. L'album de Loane a été élu par le jury des auditeurs d'RTL, album RTL de l'année 2018. Et maintenant, c'est l'appel à la banque qui va arriver pour Delphine. Après la courte pause que nous allons marquer, 2019, c'est l'année où vos problèmes sont résolus grâce à votre radio, grâce à votre émission. Le 9h30, 11h, nous ne lâchons rien et nous attaquons pile la 20e année. Bonne année 2019 avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Je vous embarque en Patagonie pour un nouveau jeu d'aventure, The Bridge. Sur une île, un trésor de 150 000 euros. Pour l'atteindre, 16 candidats devront construire un pont et relever des épreuves spectaculaires. Solidarité, aventure et stratégie, des défis hors du commun attendent nos chercheurs d'or. The Bridge, présenté par Stéphane Rothenberg, ce soir à 21h sur M6. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et sur RTL, nous avons lancé plein de cas, mais nous allons nous concentrer maintenant sur l'appel téléphonique pour Delphine. Son plan d'épargne logement qui contenait 7000 euros n'a toujours pas été transféré dans sa nouvelle banque. Allez, nous appelons LCL. Auparavant, je voudrais juste que Maître Fellonneau, avant d'appuyer sur le bouton, ma chère Céline, lisez-nous la lettre qu'a envoyée Delphine à LCL, c'est son ancienne banque, puisqu'elle a décidé de passer de LCL au Crédit Agricole. C'est un formulaire, pour être plus précise, Julien, intitulé « Demande de transfert de compte d'épargne et de titres ». Évidemment, on voit que le compte, que ça doit être transféré au Crédit Agricole. C'est un formulaire du Crédit Agricole. On voit que l'établissement qui doit se dessaisir du compte est le LCL. Il est expressément nommé. Et il est coché la case PEL/Carré Mauve avec l'indication du compte de notre amie Delphine. Et alors, il y a un truc qui est très bizarre dans ce dossier, c'est qu'une troisième banque qui apparaît et elle ne comprend rien à cette banque. Pourquoi tout d'un coup on nous parle de la Banque Populaire ? Appel à LCL, agence de Chenôve, qui se trouve donc dans le 21. LCL Chenôve, Mathilde Panetier, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je vous appelle car une de vos clientes, qui est une de mes auditrices, Delphine Guérillot, a fait une demande de transfert de LCL à Crédit Agricole. Et malheureusement, les consignes qu'elle a données en remplissant le formulaire n'ont pas été respectées. Il y a 7 000 euros maintenant qui sont bloqués quelque part. Alors, si vous pouviez nous aider, ça serait formidable. Je crois que c'est madame Zaouia aussi qui connaît le dossier. Alors, ça doit être monsieur Zaouia. Alors, ah, monsieur, pardon. D'accord. Je vais voir s'il est disponible. Je vous laisse patienter. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez, on essaie d'avoir monsieur Zaouia dans une seconde. Le temps qu'il réponde et vous nous ferez une alerte que voici. Oui. C'est ça, l'alerte. Dès qu'il répond, nous allons faire l'arnaque en temps réel, si vous le voulez bien, car ces arnaques-là nous intéressent et nous permettent de vous donner des conseils. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. D'après le journal L'Est Éclair, une femme a été condamnée pour avoir subtilisé 24 000 euros à son fils handicapé. Vous avez bien entendu, ouais. Une femme a été condamnée pour avoir subtilisé 24 000 euros à son propre fils handicapé. En tant que tutrice, cette auboise retirait chaque mois l'argent du versement de l'allocation d'adulte handicapé pour son propre compte. Résultat, son fils ne pouvait pas subvenir à ses besoins élémentaires. Il ne pouvait même pas payer l'établissement spécifique qu'il hébergeait. Cette femme allait jusqu'à ignorer les courriers de relance du foyer d'hébergement. Le poteau rose a finalement été découvert quand une autre tutrice a été nommée. La mère indigne a écopé d'un an de prison, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, lui imposant d'indemniser son fils. Elle s'en sort bien, parce que je crois que moralement, là, on a touché le fond du fond du fond. Mais ça veut dire que si elle ne rembourse pas dans les 18 mois les 24 000 euros, elle ira en prison. Ah bah oui, si c'est un sursis avec mise à l'épreuve, elle doit effectivement... Mais c'est systématique, ou alors on dit, bon, allez, elle n'a pas complètement remboursé, on ne va pas passer... Sur le c'est principe, très bien. Voilà, ça on devrait se faire. On n'envoie jamais les gens en prison quand il y a un an. Non, mais effectivement, donc on sait que ce sera... moyennement appliqué, mais ça peut, en tout cas, c'est une épée de Damoclès. Et là, je reprends l'expression « mère indigne ». Ouais. Ça a une connotation juridique très particulière, parce que vous savez que les enfants et les parents se doivent mutuellement un devoir de secours. Et donc, un parent peut tout à fait demander à ses enfants un petit peu d'argent tous les mois pour pouvoir subvenir à ses besoins. Sauf en cas d'indignité. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand on a eu ce tel comportement, on est déchu de tous ses droits parentaux, notamment celui de réclamer de l'argent si on est vraiment à l'agonie. Merci Maître Felonneau, nous écoutons maintenant Prince et Cream sur RTL. Bonne année à tous. C'était Prince et Cream sur RTL. Et puis là, ça se rapproche, hein, puisque c'est le 12 janvier. C'est dans maintenant, quoi, à peine 10 jours. Le 12 janvier, je vous retrouve au Casino Barrière de Bordeaux pour le One Man Show sur mes terres, où nous allons mettre le feu. 12 janvier, le Casino de Bordeaux. Et le lendemain après-midi, on part à Tarbes, au 7. Vous êtes sur RTL. On se retrouve dans quelques instants pour faire avancer vos cas. C'est ça qui nous intéresse. Chérie, tu l'avais pas marqué sur la liste, mais j'ai pris du produit pour le lave-vaisselle. Ah bon ? Ah oui, avec 70% de tickets Leclerc sur les tablettes lave-vaisselle Sun Expert Extra Power. Ah parfait, Sun, c'est une super marque. Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois ? Du 3 au 12 janvier, les deux packs de 44 tablettes Sun Expert Extra Power sont à 13,95€, soit 9,06€ le litre, avec en plus 70% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. 70% de tickets Leclerc ? Pour une vaisselle éclatante. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Stéphane, qu'est-ce que vous faites là ? Je répète, Patrice, je répète. C'est une péninsule. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Le mieux, c'est peut-être de demander à Edmond Rostand ce qu'il en pense. Vous pouvez le contacter ? Sans problème, il va venir dans À la bonne heure. Alexis Michalik et Thomas Soliveres sont dans À la bonne heure pour le film Edmond. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Allez, nous allons faire le point info maintenant, si vous le voulez bien. Le point sur tous les cas c'est la Minute Info. Charlotte, nous avons démarré avec Marianne. Marianne est coiffeuse, elle ne touche plus rien depuis qu'elle a interrompu son activité. Son assurance professionnelle devait prendre le relais, mais depuis le mois d'août, elle attend le paiement. Il y a une alerte à l'instant, Bernard Sabat se précipite. Que se passe-t-il Bernard? S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus maintenant? Nous avons en ligne... Vous avez le monsieur qu'on a eu tout à l'heure qui m'a demandé de regarder le dossier avec les références, il est en l'antenne, Julien. Du service client de chez Natixis. Exactement. Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, que peut-on faire pour Marianne? Est-ce qu'elle a le droit à quelque chose? Au niveau du dossier, nous sommes en attente d'une pièce complémentaire, c'est-à-dire que le dossier a bien été étudié au début du mois d'octobre. Une demande de pièce complémentaire a été adressée le 11 octobre. À ce jour, le médecin conseil est en attente de cette pièce complémentaire. Alors, quelle est cette pièce, monsieur? Parce qu'elle est en ligne, la dame, Marianne. Alors, le problème, c'est que il s'agit d'une demande effectuée par un médecin conseil et je ne suis pas autorisé à... Alors, je vais demander à Marianne. L'information. Non, mais on va demander à Marianne. Marianne, est-ce que vous avez connaissance d'une pièce que voudrait le médecin conseil? Non. Un courrier qui a été envoyé le 11 octobre. Non, pas du tout. J'ai renvoyé encore un courrier, je pense que c'était le 28. Donc, nous avons même eu, avec la banquière, vous a renvoyé un mail en disant « Bon, ben, activez-vous, parce que ça fait 3 mois, est-ce qu'il manque quelque chose et tout ?» On n'a jamais eu de réponse. Ouais. J'ai renvoyé tous les dossiers, il y a 3 accusés de réception, et toujours rien. Alors, parce qu'elle a un petit peu l'impression qu'on joue sur « il manque une pièce pour pas la payer ». Maître Fellono, qu'avez-vous sous les yeux? En fait, ce qui se passe effectivement, c'est que comme ce sont des indemnités qui sont assises sur un état de santé, il est normal qu'il y ait un examen par un médecin conseil. Alors là, secret médical absolu, c'est-à-dire que même les employés de la compagnie d'assurance ne peuvent savoir ce que le médecin conseil demande à l'assuré. Mais moi, ce que je vois effectivement, c'est que le médecin conseil a demandé des pièces par lettre du 5 octobre, des pièces avec des examens complémentaires, et notre ami y a déféré par lettre du 25 octobre. Alors cette lettre du 25 octobre, est-ce que vous l'avez reçue, monsieur, ou est-ce que ça arrive directement chez le médecin? Alors cela arrive directement chez le médecin conseil. Voilà. Nous voyons apparaître sur notre écran le traitement du médecin conseil. À aujourd'hui, on a un délai d'à peu près d'une quinzaine de jours au niveau du médecin conseil national. Donc nous sommes en attente de la décision du médecin conseil. Étant donné que j'ai cru comprendre que les documents avaient été renvoyés le 28 octobre, fin du mois octobre. Oui. Voilà, ça veut dire que c'est ce que l'on va faire. Bon, écoutez, on va appeler le médecin, nous, monsieur, parce que vous comprenez bien que la situation, elle est intenable, quoi. Intenable pour elle. Si ça se trouve, le médecin, il a pas reçu, il a pas été le chercher, elle envoie recommander. Si, il a l'accusé de réception. Il a l'accusé de réception. Le délai de traitement, c'est absolument insupportable. C'est pas possible, monsieur. Elle a plus rien, là. Elle a plus rien. Enfin, moi, je veux bien que vous ayez des délais, mais elle a pas de délai quand il a fallu payer sa cotisation. Donc, normalement, quand on a plus d'argent, c'est justement pour ça qu'on se tourne vers Natixis pour être aidé. Donc, vous n'y êtes pour rien, monsieur. Mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc nous, on va appeler le médecin conseil, essayer d'avoir la direction de Natixis pour que le dossier accélère. Avance. Parce que vous me dites bien, on est bien d'accord, monsieur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'effectivement, elle a bien envoyé la lettre avec tout ça, mais qu'il y a des délais de traitement, c'est ça? En fait, vous ne savez pas, monsieur, ce qui se passe. Au médecin conseil national, tout d'accord. À fait. Mais vous, là, aujourd'hui, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Alors, moi, je ne le vois pas apparaître puisque je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Je ne vois uniquement l'information quand c'est traité par le médecin conseil. Okay. Maintenant, ce que je peux faire, c'est me renseigner et voir si s'il ça vous plaît. A été reçu. Oh, génial. Ça et serait si, bien. Le médecin conseil peut agir sur le dossier. Allez, ça marche. Merci, monsieur. Je vous repasse Bernard. Pendant ce temps-là, donc, nous allons essayer d'avoir le service de la direction médicale. Vous essayez d'avoir le docteur qui s'en occupe. Oui, j'essaye. Pour l'instant, ça ne répond pas. Bon, et alors, on va maintenant rappeler dans une seconde. Vous essayez aussi de m'avoir... Alors, chez Natixis, on a appelé une première fois. On nous a dit, on peut vous passer, personne ne s'est raccroché. Le médecin conseil, les services donc de la direction médicale, personne ne répond? Pour l'instant, non. Je n'arrive pas à avoir quelqu'un. J'ai déjà essayé en début d'émission. Ça sonne tout le temps occupé ou ça raccroche. Bon, essayez. Ben, montrons-le aux auditeurs. À un niveau, on appelle le service de la direction médicale. C'est parti, ça se fait donc pendant l'émission. Et ensuite, nous allons rappeler Natixis Assurance pour essayer d'avoir M. Laurent Mignon, qui est le PDG, qui nous explique ce qui se passe dans ces cas-là. Parce que quand on n'a plus d'argent et qu'on sait qu'on est assuré, qu'on ne le touche pas, on est un peu stressé. Et c'est bien normal. Allez, c'est parti, ça devrait sonner. On y va. Bonjour, vous êtes en relation avec BPCE Vie, BPCE Prévoyance. Si votre demande concerne une adhésion, composez le 1. Si votre demande concerne une demande d'indemnisation, composez le 2. 2. Merci de bien vouloir patienter. Nous vous mettons en relation avec le service concerné. Donc, on va voir s'ils répondent. Comme ça risque de ne pas être le cas, on fait une pause musicale et dès qu'il se passe quelque chose, vous sonnez. Mais Dieu que c'est compliqué. En plus, je vais vous dire ce qui est compliqué, c'est que c'est la Banque Populaire. C'est Natixis et maintenant on nous parle de la BC, je ne sais plus trop quoi. Enfin, il faut s'accrocher quand même là. Et Marianne attend désespérément d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir survivre à ses besoins. Alors qu'on lui explique ce qui ne va pas. Je pense que ce monsieur que vous avez eu, Julien, responsable de la relation client, a compris l'urgence de la situation. Il a promis de rappeler Céline, notre journaliste, cet après-midi pour avancer ce dossier parce qu'il a bien compris que c'est une situation grave. Moi, ce que je rêve, encore une fois, c'est un rêve absolu, c'est de pouvoir dire à mon assurance quand elle me demande mes cotisations, mais il y a des délais de paiement, mon monsieur, là, je vois avec ma faible, il va falloir attendre. Non, t'attends pas, si tu paies pas, t'es pas assuré. Oui, Céline. Alors, chez Natixis, j'ai fait le numéro du service de la direction médicale et en fait, je tombe au standard, la personne est en ligne avec nous, mais elle nous dit qu'on ne peut pas contacter le service médical directement. Bon, alors, qu'elle nous dise comment avoir le docteur Hainaut, s'il vous plaît. Allez, le temps que ce disque passe et on va essayer de l'avoir. Michael Bublé avec Love You Anymore sur RTL. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you when I say you're not the best I've ever had. Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Michael Bublé, Love You Anymore sur RTL à l'instant. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Deux cas ont été lancés, il y a Marianne. Sa situation financière est très compliquée, en cause son assurance professionnelle qui devrait l'indemniser le temps de son arrêt maladie, mais il n'en est rien. Car la pauvre, au bout de 6 mois de grossesse, a dû aller à l'hôpital. Elle arrête d'être coiffeuse. Elle a un fameux contrat apparemment fructiprofessionnel qui doit l'indemniser. Et alors, comme ça se passe tous les matins sur RTL, il manque toujours un papier. Et on a l'auditeur qui peut prouver qu'il l'a envoyé parce qu'elle l'envoie en plus en recommandé. Elle en est au troisième, hein, ça coûte un peu d'argent quand même le recommandé. Et là, on essaie de voir. Alors, on a eu la Banque Populaire à qui appartient Natixis. On devrait avoir quelqu'un. En tout cas, le monsieur semble avoir pris conscience de la difficulté. Exactement, il va joindre le fameux docteur professionnel qui est soumis au secret professionnel lui aussi, de voir exactement qu'est-ce qui bloque entre les deux parties pour avancer dans ce dossier. Céline aura un suivi cet après-midi. Alors, j'ai également essayé de contacter directement la direction médicale pour parler directement au médecin. On m'a dit que ça ne se faisait pas comme bon, ça. Alors, donc, il faut attendre d'être contacté. Mais vous essayez, s'il vous plaît, Bernard, d'avoir le patron, oui, le directeur de cabinet, le secrétariat, la présidence de Natixis, monsieur Mignon, qu'il nous aide là-dessus parce que cette pauvre dame en a vraiment besoin. Le deuxième cas, c'est celui de Delphine. Elle ne parvient pas à récupérer ses 7000 euros bloqués dans son ancienne banque. Alors là, nous avons essayé d'avoir LCL. Où en est-on, s'il vous plaît, puisque, on rappelle, et maître Félonneau nous l'a dit, elle a rempli un formulaire en expliquant exactement ce qu'elle voulait qu'on fasse de ses comptes LCL avant qu'ils partent au Crédit Agricole et visiblement, ça n'aurait pas été respecté. Alors, on a essayé de contacter LCL, l'agence de Chénove, on est tombé au standard, on nous a dit qu'on allait nous passer quelqu'un et après au moins 10 minutes d'attente, ça a raccroché. Eh ben voilà, vous voyez, comme ça, quand on ne sait pas quoi répondre, autant raccrocher, ça va beaucoup plus vite. Alors, je suppose que c'est une erreur technique, mettons ça sur le compte de l'erreur technique. Rappelez s'il vous plaît, maintenant Céline, LCL, l'agence de Chénove. C'est monsieur Farid Zaouia qui est le conseiller et le directeur d'agence est monsieur Zakaria Mefta. Alors, soit monsieur Zakaria Mefta, on va le demander d'ailleurs. Alors maintenant, il se peut aussi que plus personne ne réponde. Hein. Ah, on va voir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez LCL, ouais. Banque et Assurance. Banque et Assurance, très bien. Nous recherchons un interlocuteur. Merci de patienter quelques instants. Cherchez bien. Vous en trouverez sûrement. Et ils sont toujours à l'endroit où on ne pense pas qu'ils sont. Certains cherchent toujours au même endroit, mais l'interlocuteur est plus malin. Il se met dans des endroits où on ne le trouve pas. Mais là, regardez, ils ont trouvé. LCL Chenauve, Mathilde Pantier, bonjour. Bonjour Mathilde, Julien Parfait. Courbet. Merci. Alors, j'ai essayé donc de voir avec monsieur Zaouia, donc le conseiller, mais il est en rendez-vous. Mon directeur d'agence aussi. Par contre, j'ai du coup appelé le directeur des agences de Dijon, monsieur Lancio. D'accord. Et du coup, il me faudrait, si possible, que vous me communiquiez la problématique exacte pour que je puisse lui transmettre et vos coordonnées. Écoutez bien, la problématique exacte, maître Félonneau, avocate, vous la donne. Oui, le 21 septembre 2018, madame, notre Delphine a signé une demande de transfert de compte d'épargne et titre, le PEL Carré-Mauve. Et c'est un formulaire qui faisait que le LCL devait transmettre au Crédit Agricole Nouvelle Banque de Delphine. Mmh. Et cela n'a jamais été fait. Bien au contraire, au lieu de transférer, vous avez clôturé ce compte. Et d'accord, maintenant, vous continuez d'ailleurs. Alors, vous n'avez pas. Vous avez conservé le compte courant de Delphine, qu'elle vous avait demandé de clôturer. Et vous prélevez des frais d'ailleurs de commission de tenue de compte qui, elle, devait être clôturée. C'est-à-dire que vous avez tout fait à l'envers. Et donc, on voudrait savoir comment rétablir la situation. Très bien. Le compte courant, il est toujours ouvert, c'est ce que vous venez de me dire. Et il y a une demande de clôture aussi. Il y avait la demande de clôture. Alors ça, c'était, vous savez, demande de mobilité. Donc, vous avez bien transféré tout ce qui était les virements habituels, c'est-à-dire que son salaire va bien maintenant au Crédit Agricole, etc. Mm-hmm. Vous avez tout transféré, mais vous n'avez pas clôturé puisque vous aviez besoin, finalement, qu'elle conserve un compte chez vous pour y mettre l'argent du PEL puisque vous avez pris cette liberté-là. D'accord, très bien. Et est-ce que je peux avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? Alors on vous donne ça tout de suite, vous récupérez l'appel, Céline. Merci madame de votre gentillesse. D'accord. Nous allons donc, vous voyez que ça avance quand même sur tous les dossiers, et revenir dans quelques instants sur le dossier de Carla, Charlotte. Elle est passée il y a quelques semaines dans l'émission car elle a été trompée sur le kilométrage de sa voiture achetée 5 500 euros. Eh bien, nous allons en savoir plus après cette petite pause que nous allons marquer sur l'antenne d'RTL. Et effectivement, vous achetez une voiture et le kilométrage n'est pas du tout celui qui était prévu, alors vous n'êtes pas content. Et ça, c'est des dossiers qu'aime maître Félonneau, qui dans ces cas-là se met au bord de la piscine et parle des contreurs kilométriques dans une tenue bien particulière. Bonne année 2019 avec la première radio de France. Le deuxième album de Louane est à l'honneur sur RTL. Il est l'album RTL de l'année 2018. RTL vous invite une nouvelle fois à passer un moment exceptionnel avec Louane. Merci aux gens de vous dire merci à vous, RTL et à Téléloisirs. Un rendez-vous plein d'émotions, de surprises, en compagnie d'invités prestigieux. Voici Patrick Bruel.

Vous arrivez à vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, vous rappelez le vendeur. Finalement, le professionnel ne répondant pas, vous allez chez un concessionnaire de la marque et sur place, il n'y va pas par quatre chemins. Le compteur ne pouvait pas afficher 136 000 km dans la mesure où le 1er décembre 2010, je dis bien le 1er décembre 2010, il en avait déjà 146 000 137. Wow. C'est un vrai miracle. Alors nous avons, je crois, appelé Monsieur Hussein Kobessi de Dream Cars à Épinay-sous-Sénart et il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Mais l'auditrice, Carla, nous avait dit, vous me le confirmez, j'ai reconnu sa voix. Oui, c'était bien lui. Bien. JB, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, on avait déjà rappelé, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà une première fois, on n'avait pas réussi à la voir. Moi, j'ai essayé de lui laisser plein de messages et j'ai encore réessayé ces derniers jours. Toujours rien. J'ai de nouveau tenté de joindre ce monsieur à plusieurs reprises. Je lui ai laissé des messages à droite, à gauche, au centre, derrière, devant. Peu importe, j'en ai laissé plein. Non. Mais il ne répond toujours vous pas. Vous avez vraiment fait de l'investigation, dis donc. Il ne rappelle jamais. Jamais. Alors, on va essayer de le rappeler. Attendez-vous, Carla, et on va après vous conseiller parce qu'il va falloir. Et je pense que nos amis de demandezjustice.com se régaleraient avec ce dossier. Là, nous rappelons une nouvelle fois Dream Cars. La gérante est Nadine Kobessi à rue Ville de Champagne à Épinay-sous-Sénart, qui est une domiciliation. Je le redis, je le redirai. Quand vous achetez une voiture une comme fois ça, votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. On ou taper dièse. Ça ne sert à rien du tout. Donc, Nadine Kobessi, K-O-B-E-I-2-S-I, où elle est gérante, donc c'est elle normalement qui est responsable. Son mari, Hussein Kobessi, vous êtes à Épinay-sous-Sénart. Voilà, c'est une domiciliation. Allez sur Google Maps quand vous voyez des petites annonces. Professionnel vend voiture, tu es professionnel. Je regarde. Oh, une domiciliation. Ça va être très très compliqué s'il y a un problème, si c'est une domiciliation. Et je vous le redis, mesdames et messieurs, vous allez payer un peu plus cher, mais dans ces cas-là, prenez un modèle un peu en dessous. Car après, c'est des emmerdements au kilomètre. En bas de chez vous, il y a un bon concessionnaire Fiat qui vend des voitures d'occasion, un concessionnaire Renault, Peugeot, Citroën, Hyundai, là, ces belles concessions où ils ont plein de voitures d'occasion. Vous allez chez lui, il va vous faire une garantie. Et s'il y a un souci, vous allez taper à la vitre. Monsieur, je ne suis pas content. Et ça se règle. Là, c'est à l'autre bout de la France. Évidemment que c'est moins cher. Bien sûr que c'est moins cher. Il n'y a aucun service après-vente. Le compteur n'est pas le bon. Ils ne répondent plus après. Alors, ce n'est pas une affaire au bout du compte. Vraiment, faites très attention avec ces histoires de voitures. Donc, demandezjustice.com, Alain Hazard. Oui, tout à fait, Julien. Voilà, vous voyez que Alain Hazard, finalement, est bien payé pour pas grand-chose. Et c'est là sa force, il vous expliquera comment vous aussi, vous pouvez avoir un boulot comme ça où il suffit de dire « Oui, tout à fait, Julien !» Tout à fait, qui vous permet quand même de subvenir à vos besoins. De quoi va-t-on parler ? Une alerte, s'il vous plaît. Oui, sur le cas de Delphine, Julien, le cas numéro 2. Charlotte nous en parle. Elle souhaite récupérer les 7000 euros qui dorment toujours sur un compte courant dans son ancienne banque. Que nous dit cette dame d'LCL ? Bah, écoutez, j'ai appelé carrément la direction d'LCL. Les bras leur tombent. Je sais pas comment on dit au niveau de la formule, mais les bras m'en tombent, alors on va dire. Les bras leur en sont tombés. Oui. Exactement. Utilisez la formule que vous voulez, mais celle que je veux, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser parce que moi, sur le radio, ce que j'utilise souvent, ça me fait un doigt des plouc. Mais celle-là, on ne l'utilise pas. Alors, allez-y. Donc, ils ont pris le dossier en main, ils regardent ça de très près, et je pense qu'ils vont agir très vite, Julia, parce que c'est pour eux incompréhensible. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à toutes ces grandes institutions, Maître Félonneau, banque, assurance, etc. C'est que l'erreur, évidemment, tout le monde en fait. Seulement, je peux vous dire que le petit artisan, quand il fait une erreur, il a pécage. Il faut qu'il y retourne et qu'il change le tuyau. Donc, eux-mêmes, quand ils font une erreur, ils doivent tout de suite essayer de la réparer. Exactement, pas essayer de se dire. Julien. Et je dois dire que le Crédit Agricole a appuyé la demande de Delphine par trois lettres. Il n'y a jamais eu aucune réponse. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas transférer ce compte puisqu'ils l'avaient clôturé, ils ont dit « Ah, nous, on a commis aucune erreur » et que les explications verbales qu'ils se sont bien, évidemment, gardées d'écrire, eh bien, cette fois-ci, ne sont pas satisfaisantes, loin de là. Juste, encore une question, Delphine. Vous vouliez passer de LCL au Crédit Agricole, mais est-ce qu'on vous a donné une explication quand on vous parle de la Banque Populaire qui n'a strictement rien à voir là-dedans ? Non, pas du tout, mais je pense savoir d'où ça vient. Alors dites-moi, ça m'intéresse. Mon conjoint, on a quitté les deux le LCL pour le Crédit Agricole suite à notre rachat de prêt. Et lui, il était à la Banque Populaire. Et je pense, j'en suis même presque sûre, qu'ils confondent les dossiers. Oui. Oh là là là là, oui, la Banque Populaire, on va pas les embêter parce qu'on les embête assez ce matin. On va pas leur mettre ça en plus sur le dos alors qu'ils n'y sont pour rien. Non, non, exactement. C'est vraiment le Crédit Agricole qui n'a pas respecté les consignes, pourtant claires. Effectivement, je pense qu'elle a dû se dire, tiens, ils sont ensemble, ils ont décidé la même chose, et pas du tout. Donc en réalité, elle est vraiment pénalisée pour la perte de ces avantages liés à son PEL. Bah, je vois mal. Hein. Alors, sinon, ça serait une bonne technique, vous imaginez, à chaque fois qu'elle sait, elle, Crédit Agricole, Caisse d'épargne a un problème, comment on fait pour la cliente? Elle veut de l'argent, on lui doit. Dites que c'est la Banque Populaire. Tout le monde se barre. En attendant, la Banque Populaire, ils sont pas contents. De quoi parle-t-on dans quelques instants, s'il vous plaît, Carlotte? Eh bien, on va peut-être faire un petit point info sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On le fait tout de suite, Xavier Kassovitch, ou il faut le faire après? Et surtout, ne faites pas de phrases. On est à la radio, des gens vous écoutent. Vous pourriez dire, mon cher Julien, nous pourrions faire le point dans quelques instants. Mon cher Julien, on pourrait peut-être faire le point après les publicités. Mais c'est parfait, ça, c'est bien dit. Allez, dans quelques instants, mesdames et messieurs, dans ce spécial banque où nous ne lâcherons rien. Tout ce qui n'a pas été réglé aujourd'hui, vous le retrouverez demain matin. Et je vais même plus loin, que ça vous plaise ou non, car on n'a pas le droit de lâcher l'affaire. Allez les filles, on y va, décolleté ouvert. It's up to you, she said to me. Chiki-chiki-chak, chiki-chiki-chak. She knew I wanted to be free. Chiki-chiki-chak, chiki. Elles le font vraiment, vous devriez dans le studio. C'était un grand moment. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oui, quoi encore? On a un pépin, je suis chez Lidl. Et demain et après-demain, les 3 kilos de pommes bicolores, dont 1 kilo offert, sont à 2,69€. Soit 90 centimes le kilo de pommes bicolores chez Lidl. C'est pas possible. Ah si patron, c'est le vrai prix, hein. Pour 3 kilos, dont 1 kilo offert. Et origine France en plus, hein. Chez Lidl, c'est possible. Mais pour nous, c'est vraiment pas de la tarte. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Braeburn selon supermarché, origine France. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Dans une société qui valorise le mérite, peut-on réussir sans talent? On tire notre épingle du jeu cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les photos de Cyril qui changent. Avec le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Waouh, double capteur photo. Et avec cet effet flou intégré, on ne pourra plus jamais dire que tes photos sont ratées. Jusqu'à samedi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€ et vos photos changent. Auchan. Dont éco-participation 2 centimes, kit main libre recommandé, DAS 0,75 watts par kilo. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Spécial banque ce matin sur RTL entre 9h30 et 11h. Premier cas, celui de Marianne. Elle attend depuis 3 mois une indemnisation pour son arrêt maladie. Elle est assurée pour cela. On a appelé tout le monde. Donc, nous avons appelé Natixis et son assurance. Son assurance qui lui a été donnée et proposée par sa banque, qui est la Banque Populaire. On a appelé absolument tout le monde. Qui va nous aider dans ce dossier, Bernard Sabat? Le responsable de la relation client que vous avez eu à l'antenne, Julien, qui a promis de réouvrir le dossier, se rapprocher du médecin conseil pour voir l'information qu'il manque à notre auditrice. Alors, on espère que monsieur Laurent Mignon va nous aider. C'est le grand PDG de Natixis et c'est une boîte super sérieuse. On n'arrive pas à ce niveau-là si on ne gère pas les dossiers sérieusement. De temps en temps, il y a un dossier qui passe comme ça entre les mailles. Peut-être qu'on n'a pas compris, mais que quelqu'un nous parle et que le docteur débloque. Apparemment, quand je dis que le docteur débloque, oui, mais attention, la situation, attention, il ne débloque pas mentalement. Parce qu'apparemment, elle a tout envoyé. Elle n'a plus de quoi vivre. Une assurance est là pour nous accompagner, pas pour nous plomber. Alors, peut-être qu'on n'a pas compris le dossier. Soyez sympa, expliquez-nous-le et rappelez-nous. Deuxième dossier, celui de Delphine. Mais en tout cas, je le redis, je ne sais pas si elle est là, Marianne. Là, ça avance dans l'après-midi. On lâche rien. Ne croyez pas qu'on va vous retrouver à la Saint-Glingla. À demain sur l'antenne d'RTL. Delphine, son argent est bloqué sur un compte dans son ancienne banque. On parle quand même de 7 000 €. Impossible à ce jour de les récupérer. Alors là, nous avons eu LCL, une dame très charmante qui nous a dit, écoutez, je découvre un peu le dossier. Et vous-même, vous avez appelé la grande direction à Paris. Oui, ils sont au courant du dossier. Ils ont récupéré tous les éléments. Ils vont se rapprocher de leur agent de Chenove pour faire le point avec cette confusion Banque Populaire et le reste. Ok, merci Bernard. Donc nous avons deux grands patrons dont nous attendons des nouvelles. Tout d'abord, Laurent Mignon. Merci. Et nous appelons également le PDG de LCL, Michel Mathieu. Arrêtez, il va falloir arrêter avec ces plaisanteries. Enfin, ça ne fait rire que vous, ces histoires-là. C'est quand même, on dirait, une cour d'école. Bon, allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Et alors, on va s'écouter ce beau slow. Tiens, You Tenchar, plein d'amour pour le 2019. It's alright with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. What I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Sharp et You sur RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et sur l'antenne d'RTL, les cas qui ont démarré en 2018 peuvent trouver aboutissement en 2019. Voyons voir avec James qui est en ligne avec nous. Bonjour James. Oui, bonjour Julien. James est passé le 7 novembre sur l'antenne d'RTL et voilà ce qu'il nous avait dit. J'ai acheté une voiture d'occasion à ma fille. Je l'ai payée 6 490 €. Dès le début, il y a eu un problème de démarrage et depuis, on a appris que le moteur, les 4 injecteurs, le turbocompresseur et le kit volant moteur sont à changer. Il y en a pour 12 000 € de réparation. Et nous avions appelé, si vous vous le souvenez, Maître Félonneau à Liévin, le gérant du garage Delattre Automobile, qui avait dit, bon ben, on va partir sur un remboursement. Voilà, bon, ben, on annule la vente, ce qui me semble minimum. Nous allons demander à James si le remboursement a eu lieu. Oui, le remboursement a bien eu lieu, donc le garage s'est engagé à rembourser sous 8 jours. Bon, ça a pris un peu plus de temps, mais effectivement, ma fille a été remboursée l'intégralité du prix de la voiture, les 6 490 €, bon, grâce à votre intervention. Et puis grâce aussi à ce monsieur, voilà, nous on n'est pas là pour juger, on est là pour essayer d'arranger le coup, c'est le cas. Bravo donc à monsieur Karine Benhamed qui a remboursé de Delattre Automobile, voilà, c'est pro de sa part, et les clients comme ça sauront que si un jour il y a un pépin, il rembourse derrière. Bravo à Delattre Automobile. J'ai une dernière question à vous poser, James, oui. Parce que je suis un fan de James Bond, je les ai tous vus une quinzaine de fois, et souvent, c'est pas souvent, c'est dans chacun des films, à un moment donné, les femmes que James Bond séduisent lui font « Oh James, est-ce que ça vous arrive, vous ?» Bon, non, quand même pas, non. Je préfère rester. Oh. Je suis beaucoup plus modeste. Aucune femme ne vous fait « Oh, James », des trucs comme ça. Ah, quand même, parfois. Ouais. Ah, ben voilà. À bientôt. À bientôt. Je voudrais quand même souligner le professionnalisme de toutes vos équipes et notamment de Jean-Baptiste, avec qui j'étais en contact assez régulièrement. Ah. Voilà. Ah, là, là. Il faut le souligner. Ah ben, je ne savais pas, je n'avais pas compris. Dans ce cas-là, c'est Jean-Baptiste qui va vous faire « Oh, James ». Excusez-moi, j'avais... Ben, je ne pouvais pas savoir. Bon, ben, non, mais attendez, non, mais James, il n'y a aucun souci. Moi, ça ne me pose aucun problème. Jean-Baptiste, voulez-vous venir au micro, s'il vous plaît? Soyez sympa et faites « Oh, James » à James. Oh, James. Ah ben voilà, hey. Comme ça, vous choisissez. Nous, ça ne nous regarde pas, c'est vous qui faites votre petite cuisine. Je vous souhaite une belle année, à bientôt. Merci, à bientôt. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Chez Carrefour, c'est le mois encore moins cher. Mais oui, pour deux articles textiles achetés, le deuxième est 100% remboursé. Alors j'ai acheté une super petite robe pour ma femme, un jean pour ma fille. Du coup, j'ai pu faire plaisir à tout le monde. Résultat des courses, une année qui commence sous le signe des économies pour mon porte-monnaie. C'est le mois encore moins cher dans vos hypermarchés Carrefour. Jusqu'au 8 janvier, pour deux articles textiles achetés, le moins cher des deux est 100% remboursé sur votre carte Carrefour. Carrefour. Offre valable sur les articles signalés par une pastille. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Bravo les équipes Céline, JB, Charlotte, les équipes d'Alain Hazard, Xavier Kassovitch réalisé. La négociation a été menée par Bernard Sabat et Maître Felloneau était votre avocate. Stéphane arrive, Stéphane Bern dans quelques instants. Mais nous, nous continuons le combat le matin, l'après-midi, la nuit. Nous sommes là pour vous aider, nous le faisons avec plaisir.